L'automne est déjà arrivé et vous voulez vous payer une bonne bouffe? Le restaurant Midas, c'est l'endroit idéal pour tous. Les hot dogs, la pizza qui font le délice de tous. Le restaurant Midas est l'endroit préféré des camionneurs et offre un tout nouveau menu pour tous les budgets. Le restaurant Midas, 1084 route 169 Saint-Félicien, 418-679-0900. Toute l'équipe du restaurant Midas rappelle que l'achat local est important pour soutenir notre économie. Situation quand même assez précaire au centre de ski de domicile. Ce qu'on a appris au cours des derniers jours, c'est qu'il ne restait plus grand monde au sein de l'ancien conseil d'administration. Il est arrivé une assemblée générale la semaine passée et apparemment, heureusement, le conseil d'administration s'est renouvelé. Plusieurs têtes de nouvelles au sein du conseil d'administration. Et question de savoir un peu comment ça s'en va, comment ça s'enligne. On parle avec le nouveau président du centre de ski de Domiski, David Larouche. Salut David! Bonjour Danny. David, j'avais eu vent que l'ancien conseil d'administration, il restait que trois personnes. Et finalement, à la dernière minute, lors de l'Assemblée générale la semaine passée, il y a un nouveau groupe qui est arrivé pour former un petit peu le nouveau conseil d'administration. Et heureusement, comment tu vois ça maintenant à l'avenir? Parce que honnêtement, je pense bien, le bazar aurait dû avoir lieu déjà. Il y aurait eu les cartes préventes auraient dû se faire actuellement. Là, vous êtes en retard. Puis, comment vous allez faire pour le conseil d'administration pour reformer, pour recommencer et repartir sur des bases solides pour l'année qui s'en vient? Ben, premièrement, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de membres du CA qui ont quitté pour des raisons personnelles de toutes sortes. Donc là, on est arrivé un petit peu à la croisée des chemins, puis c'est une situation qui est assez exceptionnelle. Mais heureusement, ben comme tu disais, il y a des gens qui ont voulu se réinvestir au niveau du temps, puis qui prenaient ça très à cœur. Donc avec toute attente, on a une équipe qui a été formée, puis une superbe de belle équipe avec beaucoup de dynamisme, puis un virage jeunesse un petit peu. Puis ben c'est sûr que au niveau des dates, au niveau de la préparation, tout ça, là on est un peu on court un peu, mais on est très confiant. Puis heureusement la température là depuis les dernières années, comme on voit là que l'hiver se repousse, donc on pédale, on est une belle petite fourmilière, puis on est très confiant là d'arriver pas mal tous nos dossiers à échéance. Le but, c'est d'arriver vraiment là et entre Noël et Jour de l'An, où ce que les centres de ski font vraiment de l'argent. Puis c'est au moins 50%. Moi, j'ai ça entre les branches que c'est au moins 50% du chiffre d'affaires qui se fait entre Noël et Jour de l'An. Donc, c'est ça l'objectif, être fin prêt pour arriver au Jour de l'An? Entre Noël et Jour de l'An? Ah oui, c'est vrai que la période entre le Jour de l'An puis Noël, c'est une période qui est très importante. Oui, en effet, le but, c'est d'être prêt, puis on est très confiant d'être prêt, puis à tous les jours, il y a des dossiers qui se règlent, donc ça accélère, puis on est très, très confiant là, que ça va être réglé. Il y a des gens qui sont en place au niveau du CA, qui sont des experts, sont très qualifiés pour faire ça. On a refait des téléphones pour s'encadrer avec le meilleur personnel possible. Puis, on va avoir une belle saison, on est persuadé. Dans le dossier du nouveau, moi, j'ai su avec stupéfaction que le nouveau coordonnateur, le nouveau, il a fait un an, Guillaume Pétrin avait remis sa démission la semaine dernière. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Guillaume ne soit pas de retour? Parce que il me semble que lui, en entrevue, il semblait très, très motivé, il semblait vraiment heureux de faire partie du centre de ski de Domiski. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben moi, Guillaume, j'avais communiqué avec lui. Là, j'ai eu plusieurs rencontres suite au vélo de montagne, parce que étant donné que j'étais le président du vélo de montagne, donc j'avais des pourparlers avec. Puis j'ai su, puis là, je veux pas me prononcer sur sa vie personnelle, mais Guillaume a eu une très grosse accident cet été. Hein. Il a eu une fracture de la colonne vertébrale, donc c'est quelque chose qui a été très, très important. Donc, je pense que c'est tout simplement des raisons de santé qu'il a fallu qu'il se consacre pas mal plus sur sa santé que le travail. Le coordonnateur, c'est un travail qui est quand même assez intense. Là. On pédale, c'est très dynamique comme travail. Fait que là, suite à ses raisons de santé. Puis j'y ai reparlé dernièrement. Puis c'est vrai que c'était quelqu'un qui était très dynamique, qui était le fun, qui était vraiment enthousiaste et tout ça. Malheureusement, la santé, c'est primordial. Ben, c'est clair. Là, l'embauche du coordonnateur, là, moi, je dis ça dans les branches qui avaient un curriculum vitae jusqu'à maintenant d'arriver au sein du conseil d'administration. Est-ce que vous vous donnez comme temps pour au moins faire une banque de candidatures, de bons candidats, en fait, pour l'embauche du coordonnateur? Ben, je vais tout de suite te réajuster, okay. Danny. J'ai reçu 6 okay, CV. C'est beau. Okay. Et je les ai imprimés ce matin à mon bureau. Donc là, présentement, on est en train de regarder ces CV-là attentionnellement. Puis on avait mis une date butoir au 14, donc là, la réception des CV est terminée. Donc on va évaluer ce qu'on a. Puis déjà, là, ce que j'ai pu voir, là, il y a des CV qui sont très intéressants. Donc ce qui va être important, ça va être de rencontrer ces candidats-là le plus tôt possible. Parce que lorsqu'on a fait, appel à M. Louis-Jean pour démarrer la saison, étant donné qu'il avait été coordonnateur pendant 3 ans, donc il y a une grande expertise, et Louis a accepté de nous donner un coup de main, mais il faut qu'on engage un nouveau coordonnateur pour que Louis le forme et tout ça. Donc c'est un petit peu le dossier là, le plus rapide là, qu'il faut régler, puis ça va se régler dans les prochains jours. Là. Donc aussitôt qu'on va avoir fait notre choix, on va sûrement vous annoncer. Ben, pas sûrement, on va vous l'annoncer avec fierté qui sera le candidat qui a été sélectionné. Dans les autres choix maintenant, ou dans les autres, il y a la campagne, la pré-vente. Ça, comment que ça va? À quel moment vous allez partir votre pré-vente? Dans les plus brefs délais, on a déjà commencé à jouer au niveau de la tarification. Donc, l'annonce va se faire dans les prochains jours. Donc, on a réduit énormément les tarifs. On a écouté le public. Ensuite de ça, on va revenir avec... ça faisait plusieurs années là, que le monde nous demandait des billets demi-journée. Donc, on décolle avec ça. Donc, dans les prochains jours, on va faire nos annonces, probablement avec dans les médias. Fait que vous allez être informés. Mais on a une prochaine réunion le jeudi là, pour tout confirmer, là, finaliser tous les dossiers importants. Fait que je pense que les gens, les utilisateurs vont être satisfaits là, des décisions qu'on a prises. OK. Dans les... Guillaume, quelques semaines, lors de sa dernière entrevue, il m'a dit qu'il va y avoir du gros nouveau qui s'en vient à la Domiski. Et ça va faire l'objet d'une autre entrevue. Est-ce que tu es en mesure maintenant de me dire un peu les nouveautés cette année déjà? Ben, la grosse nouveauté, c'est que le virage 4 saisons, okay, qui avait commencé à être amorcé l'an passé avec le vélo de montagne. Ça, c'est un gros virage qu'on veut axer, là, qui va être prioritaire. C'est sûr qu'au niveau des infrastructures, on se croise les doigts, on entend des rumeurs par rapport à une nouvelle bâtisse, un nouveau chalet. Malheureusement, moi, j'ai absolument aucun détail par rapport à ça précisément. J'entends les mêmes choses que ce qui circule, que probablement peut-être d'ici un an, il y aurait à avoir une nouvelle construction. On attend notre tour. C'est sûr que c'est majeur au niveau d'une construction neuve à Domiski. Ça prend ça. On est conscient que le chalet est désuet. Je suis conscient aussi qu'avec une nouvelle bâtisse, ça va sûrement renflouer un petit peu là, l'achalandage. Donc, c'est ce qui s'en vient. Il y a eu, bon, dernièrement, de la Pentecôte, des trucs comme ça. Mais on consolide ça, puis on espère que des gros projets arrivent. Puis, on se croise les doigts. Oui, c'est clair. Là, maintenant, le bazar, ça va se tenir bientôt aussi, j'imagine? Non, le bazar, on a pris la décision que malheureusement, on est un petit peu tard. Okay. Et le bazar ne rapporte pas énormément de sous. Hein. Okay. Donc, on a pris la décision de canceller le bazar. Aujourd'hui, avec les médias sociaux, Facebook, vendre le garage de Boumistassini, il y a beaucoup de gens qui vendent directement par l'Internet. Donc, on a décidé d'annuler cette affaire-là là, par rapport au bazar. Donc, il n'y en aura pas cette année. Désolé pour ceux qui sont un petit peu déçus, mais c'est ça. C'est une décision qu'on a prise. Quand arriver dans des conditions comme ça, il n'y a pas grand monde qui a de l'expérience dans CA, est-ce que ça t'énerve un peu ou tu étais quand même assez proche, tu connais un petit peu ce qui se passe au centre de ski de Domiski pour au moins être capable de relever 115 défis-là? Parce que c'est un gros défi, là. Ben, tu sais, pour être honnête, tu as tout le temps un petit peu de crainte. Tu sais, ouais, c'est une grosse organisation, c'est une grosse gestion. J'étais proche de plusieurs dossiers, étant donné qu'ils étaient dans le vélo de montagne. Puis, bon, je parlais beaucoup avec les gens du CA, puis tout ça. Mais personnellement, au niveau de décoller une saison pour l'hiver, moi, je Oui, ça presse, mais moi, je suis pratiquement la recrue là, sur les bancs du CA. Là. C'est quasiment moi là, qui veux pas faire peur au monde, mais l'équipe qui est présente, il y a des gens qui ont beaucoup d'expérience puis que ça fait plusieurs années qu'ils sont là. Fait que moi, là, je suis très confiant par rapport à ça. Puis ils savent où ils s'en vont. C'est un travail d'équipe. Chacun met la main à la pâte. Puis, bon, mais oui, c'est stressant un petit peu parce qu'on se lance... On se lance dans un gros projet de ramener les gens ici, puis de dynamiser, puis de on veut que ça fonctionne, puis on est persuadé que ça fonctionne, faut qu'on prenne les bonnes décisions. OK. Ben David, on va se reparler très, très prochainement, parce que je pense que quelque part, c'est un projet quand même, le Domiski, ça me tenait à cœur, puis dès l'embauche, j'aimerais ça que être informé. Oui, Denis, c'est sûr qu'on va se contacter par rapport à ça, puis les gens vont être informés, puis on a hâte d'annoncer des bonnes nouvelles, puis tout ça. Fait que, puis on invite les gens à encourager le centre de Miski. Ben vous savez, oui. Le centre de Miski, c'est toutes les municipalités qui en profitent, puis d'avoir ce terrain de jeu-là, dans le fond, à proximité. Donc, je pense que c'est une belle richesse. Là. Fait que, on invite les gens à venir cet hiver, puis venir faire un tour. Question que je suis en train d'oublier, le 40 000 $ qui a été annoncé il y a quelques semaines, est-ce que c'est oui. Par la ville, est-ce que c'est pour faire le virage ou c'est pour un petit peu renflouer les coffres? Parce que j'ai ça dans les bases que vous n'étiez pas tellement riche. Ben, c'est un petit peu de tout. Il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits la saison passée pour l'entretien. Donc, c'est important là, de consolider un petit peu là, ce qu'on a, puis de pas laisser ça dépérir. Donc, il y a eu de l'argent qui a fallu qu'on y aille chercher, puis la ville a été d'un support exceptionnel par rapport à ça. Puis il y a eu l'embauche aussi de certains, d'un petit peu plus de personnes au niveau d'assurer la sécurité, puis le travail sur le site. Donc, c'est sûr que c'est un gros montant d'argent, mais au niveau de notre objectif, nous autres, c'est d'arriver là... déficit zéro, simplement. Fait que c'est un bel objectif qu'on s'est fixé. Je crois pas qu'on fasse des millions en profit, mais l'important, c'est de pas caler une scène puis que tout le monde soit bénéfique de ça. OK. Ben David, félicitations pour votre défi. Bonne chance, parce que c'est un gros bateau que vous êtes embarqué là. Oui, mais on a des bons matelots, puis en espérant que le capitaine soit capable de bien... soit en bonne position pour mener son bateau. David, c'est un travail d'équipe. Des fois, je parle aux jeux, là, mais c'est vraiment nous et nous, là, ça c'est important. Puis Jacques, on est un travail d'équipe. OK. Donc David, un gros félicitations et bravo. Puis on va se reparler sûrement durant l'année. Merci à toi, Danny. Le nouveau président du Centre de ski de Domiski, David Larouche.